C'était en 2004, voilà, en octobre 2004, vous voyez, il y a 4 ans, il y a eu quelques interrogations au niveau du volcan de Mont-Sainte-Hélène, parce que finalement, ils pensaient qu'une éruption imminente semblait se préparer au Mont-Sainte-Hélène. Et à l'époque, en 2004, les géologues craignaient qu'une éruption volcanique ne soit imminente. Les géologues ont peur que le scénario soit identique à celui de 1980. Qu'est-ce qui s'était passé en 1980? Eh bien, en cette année-là, 2 habitations avaient été détruites, 57 personnes avaient été tuées. Donc, une éruption très conséquente, un impact négatif aussi important sur tout l'environnement. Donc déjà, où est le Mont-Sainte-Hélène? Déjà, ça s'intéressait à ça. Où est-il situé? C'est à côté des États-Unis. Le Mont-Sainte-Hélène, c'est dans l'État de Washington. Ici, tout au nord-ouest des États-Unis, au niveau du Canada, vous avez Vancouver, et puis par là, il y a Seattle et Portland. Donc, le Mont-Sainte-Hélène, c'est un volcan, un stratovolcan. Donc, vous avez ici une représentation schématique d'un volcan, avec en gros 3 parties hein, dans un volcan. Ici, une réserve de magma dans la Terre, au-dessus de la côte terrestre. Ensuite, vous avez une cheminée qui va amener le magma vers l'extérieur. Et puis ici, vous avez une troisième partie qui est le cône, un organe externe, donc le cône qui s'est construit au cours du temps suite à certaines éruptions volcaniques. Donc, le Mont-Sainte-Hélène, un stratovolcan, qui à l'époque, donc avant l'éruption, était un endroit tout à fait privilégié. Un superbe endroit qui culminait à 2950 mètres d'altitude, avec un glacier sur son sommet, avec au nord-est du volcan un lac, le lac Spirit, et puis vous voyez toute une forêt environnante absolument superbe. C'était un endroit privilégié pour beaucoup de personnes pour venir passer le week-end, déjà de par la proximité des villes d'à côté, et puis aussi pour faire des camps de jeunes pour les vacances, etc. Donc c'était vraiment quelque chose un endroit tout particulier. Et puis, cet endroit tout particulier, eh bien, là encore une image en hiver, hein, fin d'hiver, avril 80, toujours la forêt, à l'état de vraie forêt, et donc ici le lac, au bout du lac Spirit. Donc en quelques secondes, quelques minutes, toute cette superbe région, eh bien, à partir du 18 mai 1980, donc 8h32 et 17 secondes, suite à un tremblement de terre d'une intensité de 5,1 sur l'échelle de Richter, eh bien, ça a provoqué une éruption volcanique ça a provoqué déjà un glissement de terrain, on commence à apercevoir ici, suivi d'une éruption volcanique majeure qui a arrosé et impacté toute la région nord-nord-est. Et finalement, en quelques heures, cet endroit superbe est passé à l'état de paysage lunaire, avec tout absolument détruit, soufflé dans toute la région nord-est. Là, vous avez exactement la même région nord-est que celle qu'on a vue tout à l'heure, la photo du 12 avril 1980. Donc, un paysage lunaire, mais qui a permis finalement, par cette éruption, la mise en place d'un, entre guillemets, un laboratoire grandeur nature qui a permis d'étudier pas mal de choses. Et surtout qui a permis, sur la base de certaines études, de repenser le mode de fonctionnement de notre planète, d'apporter des compléments, de complètement revoir certaines théories en vogue à l'époque jusque-là en géologie, sur la base simplement de cette éruption volcanique. Et donc on a ici, en quelques heures, vous avez le profil de la montagne avant l'éruption volcanique et le profil après. C'est 10% de la montagne qui a été complètement soufflée dans toute la région. 2,3 milliards de mètres cubes de sédiments, de roches qui ont été complètement soufflées et donc qui ne sont plus là pour former ce très beau sommet et ce beau glacier. Un quart de l'avalanche, de l'avalanche et du souffle, s'est retrouvé ensuite au niveau du lac Spirit, ce qui a provoqué dans le lac un immense raz-de-marée, absolument incroyable. Et ce qui a fait, donc, le souffle aussi, ce qui a fait, c'est que ça a tout détruit. Donc la forêt, elle est passée à l'état de cure-dent, mais on va le voir tout à l'heure. Vous avez des images en essayant de retrouver le même endroit avant et après l'éruption, c'est assez incroyable. Alors, il y a eu cette éruption majeure, le 18 mai 1980, le matin du 18 mai, et puis il y a eu d'autres éruptions secondaires plus tard, donc ça a duré quand même sur quelques années par la suite, et il y a eu notamment des coulées de lave ensuite qui se sont répandues, ça devait être en février 1982, des coulées de lave qui se sont répandues et qui sont venues de nouveau perturber toute la région. Alors, comment en est-on arrivé là? On va essayer de revoir un petit peu l'histoire de cette éruption, de voir ses conséquences, puis de voir comment ça a permis aux géologues qui ont étudié, aux vulcanologues qui ont étudié les choses, de repenser certaines choses bien établies jusqu'à présent. Alors, dès le 27 mars 1980, donc, il y a eu le début d'une phase préparatoire. On a commencé à voir des fumerolles au sommet du volcan, avec au sommet la préparation de formation d'un cratère. Et mi-mars, il y avait déjà des séismes qui étaient enregistrés de l'ordre de 4,2 sur l'échelle de Richter. Le 30 mars, on a dénombré 93 éruptions de cendres et de vapeur. Le 30 mars, donc ici, vous en avez une éruption du 30 mars. Ensuite, ça a continué. Et donc, le 3 avril, le gouverneur de l'État de Washington a pris des mesures et a instauré deux périmètres. Un périmètre d'accès limité et un périmètre d'accès restreint, donc interdit à toute personne. Pourquoi ? Eh bien, parce que on sentait bien que quelque chose allait devoir se passer. L'éruption volcanique semblait imminente. Et effectivement, on observait au sommet du volcan donc la mise en place d'un cratère de façon beaucoup plus conséquente. Vous avez ici un cratère. Donc il y avait des gens, des géologues qui pouvaient survoler, bien sûr, le site, hein, si vous avez les autorisations. Et ce qui était observé, c'est la chose suivante, c'est le flanc nord du Mont Sainte-Hélène. Le flanc nord du Mont Sainte-Hélène enflait de jour en jour. Et donc il y avait des appareils de mesure qui permettaient de détecter que finalement, en moyenne, eh bien, l'ampleur de l'enflure était de 90 cm à 1,50 m. Et donc, en quelques mois, ça a été en tout 120 mètres d'enflure que ça a pris donc, sur le flanc nord. C'est comme si le flanc nord était sous pression, sous une grosse pression, comme si dessous ça poussait. Bien sûr, c'est comme si vous prenez une bouteille de coca, vous la secouez, il y a de la pression dedans. Et dès que vous aurez une toute petite ouverture, alors là, ça va lâcher. Et le jour, justement, le 18 mai 1980, c'est un tremblement de terre, pardon, qui a provoqué cette petite ouverture et qui a provoqué donc l'éruption majeure. Donc, le 18 mai 1980, 8h32 du matin, début de l'éruption volcanique. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un événement relativement récent, 1980. Relativement récent, et en plus, ça a été documenté. Il y avait des gens qui venaient observer. Des gens connaissaient le site, qui n'habitaient pas très loin d'ailleurs, et donc, suivre une éruption volcanique en direct, ça a été le rêve de pas mal de personnes. Donc ils venaient régulièrement, il y avait des observateurs qui prenaient des photos, qui filmaient, etc. Et donc, il y en a même, on va le voir, qui outrepassaient les périmètres de sécurité à leur propre risque et péril. Et donc, il y avait des gens au sol, mais il y avait aussi des géologues qui observaient grâce à des petits avions. Hein. On a vu un avion tout à l'heure qui passait par-dessus. Et donc, ce 18 mai 1980, le matin du 18 mai, il y avait un couple de géologues, c'est Dorothy Stoffel, qui parcouraient avec leur avion la région et qui venaient observer le volcan. Ce qui leur a permis, ils sont passés exactement à l'heure H, minute M, et même à la seconde. Hein. Parce que vous avez ici quelques photos que la femme du pilote a faites. En se retournant, donc après avoir passé sur le volcan, en se retournant un petit peu en regardant le cratère, il y avait des débris qui commençaient à tomber au fond du cratère. Donc c'était le début du tremblement de terre qui commençait à remonter et à aller vers le sommet du volcan. Et la photo d'après, ça a été déjà tout le glissement de terrain, tout le flanc nord-nord-est du volcan qui commençait à s'ouvrir comme on ouvre une fermeture éclair. Et on commence à voir là des fumées ici en bas, mais donc tremblement de terre, une immense avalanche de tout le flanc nord, ce qui fait ensuite, et on voit ici la queue de l'avion, le début de l'éruption volcanique, tel que rapporté par ce couple de géologues. Donc là, on est au début de l'explosion, qui a été chiffrée quand même en termes de puissance explosive à 20 millions de tonnes de TNT. Des pilotes, donc des géologues, là, dans leur avion, heureusement qu'ils survolaient d'ouest en est, et pas du sud au nord, parce que sinon, c'était fini. Ils n'étaient plus là pour témoigner. Donc ça, c'était en altitude. Au sol, bien sûr, il y en avait d'autres qui cherchaient à obtenir les clichés pour leur postérité et leur montrer qu'ils étaient bien présents. Entre autres, un passionné aussi de volcans, qui se trouvait à 18 km au nord-est du volcan. 18 km au nord-est du volcan, il a pris ce premier cliché. Et donc, il faut vous imaginer une puissance explosive absolument majeure. Le flanc nord qui s'ouvre entièrement, qui est quasiment, entre guillemets, liquéfié. Et donc, une éruption volcanique qui, d'habitude, dans un volcan, se fait verticalement. Et ici, par le glissement de terrain de tout le flanc nord, va aussi se faire horizontalement. Donc, sur toute une région. Et ça, c'est quelque chose d'assez unique. Donc, Keith Ronald photographiait. Prenait des superbes photos. Et donc, petit à petit, s'est étonné. Il faut vous imaginer, finalement, que, bon, là, dans le lac Spirit, il y a déjà un raz-de-marée qui fait quelques 260 mètres de haut, qui parcourt le lac et qui ravage tout sur son parcours. Il y a des coulées, des nuages de cendres là, à des températures de plusieurs centaines de degrés qui commencent à se déplacer et à des vitesses atteignant les 300-350 km/h. Donc notre cher ami, se trouvant au nord-est, forcément, il commençait à voir tout cela se rapprocher de très près. Très près de lui. Même jusqu'à se dire, mais attention, là, si je reste, je vais peut-être ne plus être là pour témoigner par la suite. Il avait une voiture, mais c'est pas ça qui lui a sauvé la vie. Pas du tout. Il a eu la vie sauve par la configuration du terrain. C'est que finalement, donc, ces fumées et ce souffle qui s'approchaient de lui, il était sur une petite colline, et donc avec forcément la colline, ça remonte. Et donc ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, ça a servi de tremplin à toutes ces fumées qui sont reparties, enfin à tout ce souffle et cette éruption, qui sont remontées en altitude. Et donc ce qui lui a laissé le temps de prendre sa voiture et de partir assez rapidement. Si vous voulez des détails, vous contactez Steve Austin qui a eu ces images directement de ce jeune ainsi que du couple de géologues. En quelques 15 minutes, un petit quart d'heure donc, le panache atteignait déjà 25 km d'altitude. Et donc à 9h15, à travers les images satellites, donc un satellite géostationnaire situé à 35 000 km d'altitude, on observait déjà ici l'éruption du Mont Saint-Hélène. On voyait déjà l'impact que ça avait. Vous avez ici l'État de Washington et donc l'éruption du Mont Saint-Hélène. On voit l'étendue du panache. L'après-midi du 18 mai, on avait toute l'étendue et ça touchait déjà plusieurs États. À Yakima, une ville située à 140 km, eh bien, en plein jour, à midi, l'éclairage public s'est mis en marche, bien sûr, ça fonctionne automatiquement. Dès qu'il y a trop d'obscurité, ça se met en marche. Eh bien, en plein midi, il faisait sombre. Et ça, dans plusieurs villes de la région. Il y a eu, bien sûr, les autoroutes étaient coupées, les aéroports internationaux, alors là, n'en parlons pas. Il y avait de la cendre volcanique répandue sur toute la région. Le volcan est ensuite entré dans une phase éruptive qui a duré environ 9 heures et qui a, d'après les estimations des vulcanologues, déversé l'équivalent de 33 000 bombes atomiques de la force de celle qui a été lâchée sur Hiroshima. Alors c'est intéressant parce que si vous faites le petit calcul de la puissance du volcan, en 9 heures, vous avez 60 secondes fois 60 minutes fois 9, et puis vous obtenez 32 000 et quelques secondes. Ça fait à peu près, pour vous donner une équivalence de la puissance du volcan, c'est à peu près une bombe atomique par seconde qui sort de ce volcan, en équivalence puissante. C'est vraiment impressionnant. Et encore, cette éruption volcanique, c'est une petite éruption volcanique, parmi toutes celles que notre Terre a connues. Donc, une chronologie assez particulière le 18 mai, un tremblement de terre, et ça c'est quelque chose d'assez original, qui provoque un glissement de terrain, une avalanche de débris, une éruption explosive violente, et donc qui ne part pas entièrement verticalement, mais qui, dans un premier temps, souffle tout sur le flanc nord-est, des flots de boue, des flots de plastique, des inondations, des dépôts de cendres volcaniques sur toute la région, 57 morts, 200 maisons détruites, 24 000 hectares de forêts soufflées, 900 000 tonnes de cendres estimées sur les autoroutes et les aéroports. Et donc la région forestière que l'on connaissait dans le coin, eh bien nos pauvres arbres, nos souches étaient réduites à l'état de cure-dent. Tout était soufflé. Donc, c'était certainement pas un endroit à être le matin du 18 mai 1980. Le jour suivant, on se retrouvait sur un paysage lunaire, et donc il fallait, avec une température de l'ordre de 250-300 degrés à la surface, il fallait un équipement spécial pour venir parcourir l'endroit. En tout, donc, on l'a vu, 57 morts, il y a eu 36 morts avérés, 21 disparus. Il y a eu des gens qui venaient pour observer, qui ont outrepassé les périmètres de sécurité, par exemple des gens qui dormaient dans leur camping-car, qui ne voulaient pas louper l'éruption volcanique. Il y a eu des géologues qui étudiaient le site, qui suivaient en direct ce qui se passait. Il y en a eu notamment deux, David Johnson, qui était à une dizaine de kilomètres au nord du volcan. Et ses dernières paroles à la radio, donc il était en contact permanent avec Vancouver, ses dernières paroles à la radio, c'est « ça y est, 10 kilomètres hein. ». Et il a été complètement soufflé par l'éruption volcanique. Il avait un autre collègue, Gary Martin, qui était à 4 km plus loin au nord, et qui rapporte qu'il voyait très bien que son collègue était maintenant touché et qu'il allait aussi y passer. Tout ça en direct. Et donc il y a maintenant un observatoire du nom de David Johnson qui a été institué sur le Mont Sainte-Hélène, l'observatoire David Johnson. Il y a eu d'autres personnes aussi qui sont décédées, Harry Truman, 80 ans à l'époque, qui vivait sur les berges du lac Spirit et qui avait été prévenu plusieurs fois. Les autorités étaient encore venues la semaine avant l'éruption volcanique pour lui dire « Mais écoute, pars, quitte les lieux, c'est imminent !» Et lui voulait rester là où il avait toujours passé sa vie. Sous le souffle, des machines de chantier qui étaient par là ont été complètement soufflées, ont été transportés hors de leur position. Il y a eu bien sûr par la suite, comme la forêt avait été soufflée et qu'il y a eu des coulées, eh bien, il y a eu des souches qui se baladaient ensuite dans les rivières, qui étaient transportées en même temps que des machines de chantier. On a l'impression d'être dans un tas de sable avec des jouets d'enfants, mais ce sont des vraies machines. Et donc des choses tout à fait étonnantes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un laboratoire grandeur nature qui s'est mis en place et qui ensuite a permis d'étudier plusieurs événements intéressants. plusieurs éléments intéressants qui nous permettent en direct d'observer des choses qui peuvent pouvoir dire certaines choses pour des événements qui se seraient déroulés par le passé. Et donc, souvent on nous présente que le présent est la clé pour le passé. Eh bien, si on intègre aujourd'hui dans notre compréhension du passé ce qui est arrivé par l'éruption du Mont Sainte-Hélène, eh on doit revoir pas mal de nos théories de nouveau. Donc, le raisonnement par analogie s'applique par recours au phénomène actuel pour proposer des explications à ceux du passé. On va modéliser, c'est le principe de l'actualisme, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on va appliquer ce que l'on observe aujourd'hui, on l'a déjà vu aussi ce matin, pour expliquer la reconstitution de paysages anciens. Et là aussi, donc, pour le Mont-Saint-Hélène, on va pouvoir le faire. Notamment, ce qu'on nous présente souvent, alors c'est appelé dans les écoles, on voit ça dès le CE2, vous avez là l'escalier de quelque chose d'un livre de CE2 d'un de mes enfants à l'époque, on nous présente que finalement, eh bien, plus les couches sont en dessous, plus la couche est ancienne. Alors c'est le concept de Steno qui a été repris et étendu par IEL. Aussi, je ne vais pas vous faire un cours de géologie. Ceux qui veulent, vous pouvez trouver sur Internet des excellents cours. Ça doit être à l'Université de Laval, je crois au Canada, ils ont un cours en ligne qui est pas mal fait. Bon, simplement, ce que je veux maintenant partager avec vous, c'est tout ce qui vient un petit peu perturber ce que l'on croyait être vrai. Et on va voir cinq choses, ou quatre choses ensemble. La stratification rapide qui a eu lieu au moment de l'éruption du Mont Sainte-Hélène. L'érosion rapide également qui a eu lieu suite à l'éruption. On va parler un petit peu des souches, puisque la forêt a été soufflée, des souches qu'on a retrouvées dans le lac, et ce qu'elles peuvent nous enseigner. Et puis, un rétablissement extrêmement rapide de l'écosystème, qui va à l'encontre de tout ce qu'on pensait vrai à l'époque. Donc on va commencer par la stratification rapide. Ce qui a été très étonnant, c'est qu'on a trouvé, et ça c'est documenté, avant l'endroit était photographié et bien connu, on a découvert qu'en l'espace de quelques heures, eh bien, ce sont des mètres et des mètres et des mètres de sédiments qui se sont déposés là, et pas sous la forme d'une couche homogène. Vous avez ici ce qui s'est déposé, donc depuis le bas de la personne jusqu'à ce niveau-là, ce qui s'est déposé le 18 mai 1980. Non, attendez voir. Oui, ça c'est le 18 mai 1980, pardon. Ça c'est le 12 juin 1980, lors de la deuxième éruption de 1980. Et ça c'est la coulée de boue de 1982. Et donc, ce que l'on observe, c'est que ces couches déposées, ce ne sont pas des couches homogènes, alors qu'elles ont été déposées en quelques minutes. Mais ce sont des couches très fines, extrêmement fines. Si on va même voir les détails, elles font penser à des couches qui se seraient déposées comme celles que l'on croit s'être déposées au cours de très longues périodes de temps, par alternance de périodes plus ou moins propices à la sédimentation et d'autres moins propices. Donc, des couches sédimentaires de la précision de l'ordre du millimètre, vous voyez, qui se déposent sous l'effet du blast. Ça s'est trouvé déposé alors que le souffle s'étendait sur toute la région. Donc, une stratification extrêmement rapide. Les rivières rougeoyantes de cendres volcaniques se déplaçant à des vitesses atteignant, là il y a une faute, c'est les 360 km/h, ont causé la formation de fines strates superposées. Elles sont semblables aux couches, aux strates, que l'on suppose avoir été formées durant plusieurs milliers, voire millions d'années. Alors, sans faire d'extrapolation trop directe, mais on peut se demander, de par le monde, quels sont les sites qui pourraient être touchés par des phénomènes semblables au Mont Sainte-Hélène. On y reviendra par la suite. Parce qu'on connaît certains sites de par le monde qui présentent des couches géologiques intéressante. Il y en a beaucoup. Ce que j'aimerais montrer, c'est que des expériences de sédimentologie ont été conduites qui ressemblent fortement à ce qui a été observé lors de l'éruption du Mont Sainte-Hélène. Vous savez, en sédimentation, on pense que finalement la strate 1 va donner, donc, au cours du temps, on aura comme ça superposition de strates. Donc, forcément, dans ce modèle-là, la strate 1 est plus ancienne que la strate 4. Ça, on comprend tout à fait. Maintenant, Guy Berthaud a réalisé des travaux qui ont été... a réalisé des travaux dans un laboratoire. S'il applique, s'il amène les sédiments, par exemple par ici, avec un courant conséquent par ici, donc en prenant les quatre strates, en les mélangeant, en appliquant un courant, eh bien, les sédiments vont se déposer, mais pas sous la forme strate 1, strate 2, strate 3, strate 4, mais sous la forme en diagonale. Et donc, dans ce modèle-là, vous allez finalement avoir cette position-là qui sera plus ancienne que cette position ici. Ce qui va à l'encontre de ce que l'on pense être vrai jusqu'à présent. Alors maintenant, attention, ça ne veut pas dire que toutes les couches sédimentaires se soient déposées de la sorte. Mais simplement, si vous avez un immense courant, comme c'est le cas dans l'éruption du Mont Sainte-Hélène, avec ce blast qui se propage, eh bien, vous avez une stratification qui se fait de façon tout à fait particulière. Et il y a des choses qui sont observées dans le fond des océans, voire au bord des côtes, avec des courants de turbidité qui présentent de la sédimentation similaire à ce modèle. Alors, je ne vais pas plus loin, parce que moi, je ne suis pas spécialiste du domaine, mais ce sont des choses qui sont intéressantes à fouiller. Donc, sédimentation relativement rapide.